Lorsque je suis né, j'avais un petit cœur bien conditionné, tout rose et frais comme une fleur. Mais à 18 ans, j'eus la naïveté de l'ouvrir tout le temps à celles qui voulaient le visiter. Des brunes et des blondes, femmes de tous les mondes, et sans m'en douter, ça me l'a tout esquinté. Quand on laisse entrer trop de femmes dans son cœur, il y a toujours un peu de grabuge à l'intérieur. J'aurais dû prévoir qu'il y avait du danger à recevoir chez soi un public mélangé. Comme celui de mamie, mon cœur est tout petit, mais les femmes légères me l'ont appesanti. Il arrive un jour qu'on a des lourdeurs quand on laisse entrer trop de femmes dans son cœur. Venez donc aux yeux, vous auriez envie d'être aimé, monsieur, mais moi, quand j'aime, c'est pour la vie. Je veux vous adorer et remettre à neuf votre cœur fripé, mais je veux un bail 3-6-9. Dans notre chaumière, vous serez la première. Jurez-moi qu'ici, je serai la dernière aussi. Quand on laisse entrer trop de femmes dans son cœur, on ne peut pas avoir un beau petit intérieur. Pour tout soit son ordre et tout soit bien rangé. Faut pas d'étrangères, il ne faut pas d'étrangers. Tout ce qui vous plaît à l'avance me plaît. Venez sur la porte, on écrive complet. On est toujours sûr d'avoir du bonheur quand on laisse entrer une femme dans